franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, premier volet d'une série que nous vous proposons en deux épisodes sur l'histoire du génocide cambodgien qui fut un choc pour les Cambodgiens d'abord, mais qui interpella le monde entier. Pour cette première émission, nous avons choisi de vous raconter l'histoire de ces premiers jours où dans les rues de Phnom Penh, après le bruit des canons, le silence s'abat sur la ville. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges, adultes et enfants soldats, portant le krama, écharpe à damier rouge et blanc, entrent à Phnom Penh. C'est là, après cette conquête, que le Cambodge s'emmure dans le silence. Pendant 4 ans, 3 mois et 26 jours, ce pays prend le nom de Kampuchea démocratique, qui n'a évidemment rien de démocratique, et qui au contraire se transforme en un gigantesque camp de travail où des millions de personnes creusent la terre, édifient des digues et détournent des fleuves. Réduites en esclavage, au moins 1 700 000 personnes sont enrôlées de force et ne reviendront jamais de ces campagnes où la mort s'abat chaque jour. Le 17 avril 1975, en une journée, les Khmers rouges vident Phnom Penh de l'ensemble de sa population. L'ambassade française est la seule présence étrangère. Alors, dès les premières heures, les ressortissants étrangers, les journalistes, le personnel de l'ONU, mais aussi des centaines de Cambodgiens tentent d'y trouver refuge. Anciens hauts dignitaires ou simples citoyens, tous espèrent sauver leur vie ici, sous la protection française. Mais les Khmers rouges en décident autrement. Seuls quelques miraculés et l'ensemble des ressortissants étrangers retrouveront la liberté au début du mois de mai 1975 en rejoignant la Thaïlande. Tout au long du récit, vous entendrez la voix de personnes, témoins de l'arrivée des Khmers rouges dans la ville, dans l'ambassade, mais aussi les paroles de ces réfugiés qui racontent ces premières heures du côté des déportés. Lors de la prochaine émission, nous évoquerons l'histoire de ceux qui ont quitté Phnom Penh le 17 avril 1975 et qui ont vécu l'enfer dans les campagnes. Pour parler de ces premières semaines de la tragédie, nous donnerons la parole à notre invité après le récit, le journaliste Patrice Debert, qui était correspondant à Phnom Penh à l'époque pour le journal Le Monde. Il a vécu donc de l'intérieur l'arrivée des Khmers au pouvoir. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Philippe Duclos. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'ennui dans la violence, voyez-vous, c'est que ceux qui pourraient en parler ne sont plus là pour le faire. Au Cambodge, tout se tait. À Phnom Penh, pour certains Français, qui se voient d'ailleurs interdire de sortir de la capitale, la vie continue à être belle et dorée. On ignore à la piscine du cercle français que l'on meurt à 10 km de là de façon affreuse, tué par des AK-47 chinois ou des roquettes américaines, peu importe. On meurt tout près et personne ne veut le savoir. Comment voulez-vous qu'en France, où l'on a ignoré des mois durant le Biafra, le Bangladesh ou d'autres génocides de par le monde, on s'intéresse aux 7 millions de Cambodgiens? On ne s'inquiète à la détresse d'autrui que si elle vous gêne. Un exemple en deux chiffres. 17 journalistes sont aujourd'hui portés disparus en mission au Cambodge. Et tout le monde le sait. En face, il y a 7 millions de Cambodgiens innocents. Voilà qui devrait faire réfléchir. Quand le journaliste Jean-Jacques Cazot prononce ces mots en 1972, Phnom Penh n'est pas encore entre les mains des Khmers rouges. Envoyé spécial en Indochine pour suivre la guerre du Vietnam, il est témoin de la chute du Cambodge dans une guerre civile qui oppose les forces du gouvernement soutenues par les États-Unis aux soldats du Parti communiste du Kampuchea soutenus, eux, par l'armée nord-vietnamienne. À partir de 1966, le Cambodge devient une ligne de front sur le champ de bataille de la guerre du Vietnam. Les Viet Cong s'y replient, les bombardiers américains les traquent. En 1970, l'arrivée au pouvoir de Lon Nol après un coup d'État plonge un peu plus le pays dans le chaos. Mois après mois, le ciel du Cambodge se charge de B-52 et le napalm embrase chaque jour un peu plus les campagnes. Quand on suit les routes des combats, on y voit rarement un village debout. Les rizières sont éventrées, plus de récoltes, plus de paysans. Pour les Cambodgiens pris dans les taux, deux chemins sont possibles. celui de la capitale où les réfugiés arrivent désormais par milliers, ou celui du maquis et des armes auprès de la guérilla Khmer Rouge. Cette guerre totale de bombardements aveugles ne sert à rien à part gonfler les troupes Khmer Rouge. Au début de l'année 1975, soutenu par l'armée populaire du Vietnam, ceux-ci lancent une grande offensive contre Phnom Penh. Désormais, la guerre est aux portes de la capitale, comme le raconte Paul Amar, envoyé spécial à l'époque de France Inter. Phnom Penh, 15h, l'heure de la sieste. Un léger relent de caoutchouc brûlé flotte dans l'air chaud quand, soudain... un sifflement au-dessus des toits blancs de la ville, une double explosion en plein cœur de la capitale, ce ne sont pas les seuls. Deux minutes plus tard, des femmes se trouvent sur le toit d'un immeuble en construction. Elles réagissent très vite et se réfugient derrière des sacs de sable. Elles ont raison, de nouvelles explosions font trembler les murs. 15h et 30 minutes, plus de sifflements, plus d'explosions. Les commerçants ouvrent leurs portes et les cyclopousses sillonnent de nouveau les rues. La ville se réveille, elle semble avoir oublié ce drame éclair. À quand les nouvelles roquettes? À quand le nouveau drame? À partir du mois de février 1975, les Khmers rouges occupent les berges du Mekong. L'eau manque désormais, tout comme le riz et l'essence. Seuls les allers-retours des DC-8 du pont aérien américain permettent le ravitaillement de la ville. À l'aéroport de Poch Thong, un étrange manège se met en place. D'un côté, des camions chargés d'armes, de munitions et de vivres partent vers la capitale. De l'autre, des cars et des voitures de ressortissants étrangers quittent la ville. Le 17 mars 1975, ce sont les ressortissants français qui s'envolent vers Bangkok à bord d'un transal venu d'Orléans. Seule l'ambassade reste ouverte. Elle est désormais à la charge du vice-consul Jean Dirac, de 7 membres du personnel, d'un second secrétaire et de 2 gendarmes. Le 12 avril 1975, ce sont les Américains qui ordonnent l'évacuation de leurs ressortissants et qui ferment leur ambassade. 2 jours plus tard, le 14 avril, la route vers l'aéroport est coupée. Le 15, à l'horizon, on voit des fumées noires s'échapper des faubourgs où se trouvent les derniers stocks de carburant. Enfin, le 16, un couvre-feu est mis en place. Durant ces derniers jours, les journalistes et correspondants encore sur place prennent l'hôtel Phnom comme base de repli. À l'intérieur, l'ambiance est celle d'un paquebot qui chavire, avec son personnel encore en veste blanche, toujours à son poste, près du bar, près de la piscine. À quelques centaines de mètres de là, à l'hôpital Calmette, c'est l'effervescence. On opère, on soigne à tour de bras les blessés de la ligne de front. Dans les maisons, on cache les souvenirs et les richesses d'antan, car tous ont entendu les histoires qui proviennent des contrées où les Khmers rouges se sont installés. Elles sont effrayantes, mais sont-elles vraies? Si oui, que faire? Partir? Oui, mais partir où? Rejoindre qui? En attendant, ce sont les sifflements des obus qui accompagnent leur dernière nuit. Le 17 avril 1975, au petit matin, les Khmers rouges sont au cœur de Phnom Penh. Dans les rares correspondances des journalistes, on ne note aucun heurt, aucune résistance de l'armée ou du gouvernement. Non, la capitale est tombée sans combattre. Alors, ceux qui s'aventurent sur les grandes avenues rencontrent pour la première fois ces petites troupes de Khmers rouges, formées de gamins en pyjama noir, portant chacun une écharpe autour du cou. Dans les souvenirs de certains témoins, les premières rencontres entre assiégés et conquérants sont celles d'un peuple libéré, oui, libéré de 5 années de guerre et de restrictions. Mais la période des illusions n'est que de courte durée, quelques heures à peine. Car très vite, dans chaque rue, on entend les mêmes bruits de coups de crosse à travers les vitrines ou les portes. Les Khmers rouges ont pour ordre de briser les devantures, brûler les magasins, piller les institutions. Il faut détruire tous les signes de la bourgeoisie et de l'ancien pouvoir. Puis des camions et des voitures sillonnent la ville, haut-parleurs sur le toit, et diffusent l'ordre à tous les Cambodgiens de sortir dans la rue. Dans les maisons, la panique s'installe. Que faire? Certains passent des coups de téléphone juste pour se dire adieu. J'ai eu des coups de téléphone qui étaient vraiment de bons amis, qui m'ont téléphoné d'abord le premier jour, justement, alors là, pour nous dire, on nous fait partir, toute la ville part. C'est comme ça que là, j'étais vraiment sûr que tout le monde partait. Et j'ai vu en particulier mes meilleurs amis que j'avais au Cambodge. C'était une famille, il y avait le père, il y avait sa fille et son mari, son fils et sa petite femme, qui était une Française d'ailleurs, qui n'a pas voulu lâcher son mari. Elle est partie avec eux. Elle est partie avec eux. Je lui ai dit de se rendre à l'ambassade avec son mari, qu'on essaierait de faire quelque chose. Elle a dit, je ne lâche pas ton mari. Elle est partie avec une petite fille d'un an et son mari. Quartier par quartier, les Khmer Rouges frappent à chaque porte. Les habitants ont juste le temps de rassembler quelques affaires. Mais pourquoi doivent-ils partir? Les nouveaux maîtres de la ville parlent d'une mesure de précaution de quelques jours pour éviter les bombardements américains. Personne n'est dupe, mais face à la menace, chacun sort. Ainsi, en quelques heures, toute la ville est dans la rue et se fond dans une gigantesque colonne en marche. Dès qu'on pénètre dans cette marée humaine, il est impossible de s'en sortir. On est pris dans le courant, alors on marche. On se serre l'un contre l'autre, on tient la main de son enfant, de sa femme ou de son père, puis on avance, à petits pas. Les Khmers Rouges parlent une langue étrange, dont on ne connaît que certains mots. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils entendent le terme « Angkar », du nom de l'organisation révolutionnaire qui dirige désormais la vie de la population et qui dicte les règles, dont la plus importante est la suivante, « Celui qui ne suit pas l'Angkar doit être tué ». La société des Khmers Rouges se divise en trois catégories. Les cadres, autrement dit l'ancien peuple formé par les gens de la campagne, et le nouveau peuple, celui des villes, qui doit être rééduqué par le travail forcé en milieu rural. Tous doivent participer à la révolution, les hommes, les femmes, les enfants, mais aussi les malades. Alors, après les habitations, ce sont les hôpitaux que les Khmers Rouges ordonnent de vider. Qu'importe les raisons du séjour à l'hôpital, tous ont l'ordre de suivre le cortège, comme se souvient ce Français sur place. Les malades qui étaient poussés sur des lits, parfois certains encore du sérum. J'ai vu de mes propres yeux, c'était sans doute un militaire qui avait les deux jambes coupées, qui se traînait comme un chien. Des gens qui partaient avec leurs béquilles, qui ne pouvaient pas avancer. J'ai vu aussi un homme qui portait une fille, je crois, qui était dans le plâtre. Un tas de malades qui ne pouvaient plus marcher du tout. Tout ça, tout sur la route. Mais ils suivaient le cortège, ils suivaient, on leur dit de partir vers le nord, ils sont partis vers le nord, sur la route. Allez où? Ah, vous partez sur la route, ne vous inquiétez pas. À quelques mètres de l'hôpital Calmette, à l'ambassade française, ils sont des centaines, ressortissants étrangers, journalistes, personnels de l'ONU, mais aussi cambodgiens, à affluer devant le portail. Repoussés d'abord, la plupart profitent d'un mouvement de foule pour pénétrer dans l'enceinte. Parmi eux, des responsables de l'ancien régime, dont le prince Sirkmatak, prétendant au trône, ou bien encore Ung Bun Hoor, le président de l'Assemblée nationale. Dès ces premières minutes, des premiers télégrammes diplomatiques sont envoyés à Paris. Le vice-consul Jean Dirac informe le Quai d'Orsay de la situation de panique et de la présence dans l'ambassade, donc sur le sol français, de ses dignitaires qui demandent l'asile. 2 heures après l'envoi des premiers télégrammes, à 14h09 précise, le cabinet du ministre des Affaires étrangères répond qu'il est impossible de donner satisfaction aux demandes des dignitaires. Désormais, le vice-consul français est seul face aux Khmers Rouges. À la fin de la journée du 17 avril, une première rencontre a lieu entre le vice-consul et les représentants Khmers. Selon le compte-rendu de Jean Dirac, la rencontre a été d'une cordialité réservée. Les Khmers acceptent que seuls les ressortissants étrangers demeurent dans l'ambassade, toutes les autres personnes doivent sortir. Face à ces demandes, le vice-consul accepte dans les 3 jours d'établir la liste de toutes les personnes présentes. Il gagne ainsi du temps et peut demander les directives à suivre au Quai d'Orsay. À l'ambassade, malgré l'angoisse, la vie s'organise. Chaque endroit a désormais sa fonction. Les médecins et le personnel de l'hôpital Calmette s'installent dans la salle de réception, les correspondants de presse, eux, dans les logements de l'ambassadeur. Les réfugiés s'entassent sur la pelouse. On évalue les vivres, on prépare les repas, on soigne, on réconforte les personnes les plus faibles. À l'extérieur, à quelques kilomètres de là, celles qui n'ont pu trouver refuge découvrent, pour leur plus grand malheur, l'univers des Khmers Rouges. Arrivé au premier village, disons l'avant-dernier village, on nous arrête dans un barrage. Et tout de suite après, toutes les choses qui sont publications, même vos cartes d'identité, même vos permis de conduire, les livres, tout ça doit être abandonné. Tout, sans exception. Autrement dit, nous sommes dépourvus de tout. Et puis, on nous fouille, quoi. Si vous avez des armes cachées, avez-vous des bijoux ou des dollars, il faut les recensements. Et après, on vous note qui vous êtes, quel est votre nom, quel est votre métier. Le travail manuel et l'éducation politique, ça commence le lendemain. Dans le Kampuchea démocratique, l'autre, celui qu'on veut détruire, n'est pas un étranger, non, c'est un Cambodgien qui appartient à une autre classe sociale, une classe Oni. Dans ces premières séances d'interrogatoire, où chacun étale ses bagages, les Khmers Rouges cherchent tout lien avec l'ancien pouvoir, l'ancienne classe dirigeante. À chaque ouverture de valise ou de baluchon, ils traquent un souvenir, une carte de visite, un présent honorifique ou de l'argent, qui désormais n'a plus aucune valeur. Ceux qu'on soupçonne d'être des anciens militaires ou chefs politiques sont séparés des autres, puis assassinés. Les survivants, eux, continuent à marcher vers le nord. En un jour, les Khmers Rouges ont réussi un acte insensé. Ils ont vidé nos capitales de 2 millions de personnes, la population de Paris. Un seul endroit résiste dans le silence angoissant de cette ville vide, c'est l'ambassade française. Le 18 avril, les Khmers Rouges sont de retour devant la grille du bâtiment. Désormais, le ton n'est plus à la négociation, mais à la menace. Ils savent que des hauts dignitaires cambodgiens sont présents et ils exigent qu'ils sortent, sinon c'est par la force qu'ils les récupéreront. Quelques heures avant cette visite, Jean Dirac avait informé les autorités françaises de ce risque. Il avait précisé dans un télégramme que, sauf avis contraire du Quai d'Orsay, et afin d'assurer la sauvegarde de nos compatriotes, je cite, il se voyait obligé de faire figurer sur la liste le nom des personnalités cambodgiennes qu'il devait remettre aux Khmers Rouges dans un délai de 20 heures. Quelques heures plus tard, le Quai d'Orsay approuve l'établissement d'une liste sans distinction de titre de fonction. Jean Dirac en informe alors les personnes concernées. Et le 20 avril 1975, au petit matin, sous une pluie diluvienne, une jeep et deux camions s'arrêtent devant les grilles. Accompagnés par le vice-consul français, la douzaine de personnalités de l'ancien régime quittent l'ambassade. Sont-ils partis de force ou de leur plein gré ? Les versions divergent selon les témoignages. Dans son livre Le Portail, François Bizot, qui joue le rôle de traducteur durant ces jours terribles, relate la discussion entre les vice-consuls et les personnalités. Face à l'ultimatum, ils auraient accepté de se rendre pour éviter tout bain de sang. D'autres témoins, dont un médecin, Étienne Plagy, se souviennent au contraire d'incidents lors de ses départs. Ung Bun Hor, l'ancien président de l'Assemblée, aurait par exemple refusé de monter dans le camion. C'est ce dont se souvient aussi le photographe Arnaud Borel en 2015 au micro de Benoît Colomba pour France Inter. Il a été viré. Il avait eu énormément de mal à rentrer dans l'ambassade et l'ambassade l'a viré quelques temps après. Il n'y a aucune discussion possible. Nous l'avons viré. On était tous devant le portail de l'ambassade. Il n'y avait pas de solution. On ne lui a pas laissé le choix. Il fallait qu'il parte. Moi, j'avais honte un peu. On s'est très mal conduit. On n'avait peut-être pas d'autre choix, mais on ne l'a pas essayé. On a cédé tout de suite. Près de 30 ans plus tard, lors d'un entretien au journal Le Monde, l'un des gendarmes confirme « Oui, il s'est débattu, on l'a poussé. » Mais vous savez, de toute façon, les Khmers Rouges l'auraient chargé de force. Depuis, les corps de Ung Bun Hor et des autres responsables livrés n'ont jamais été retrouvés. Après leur départ, pour le reste des occupants de l'ambassade, une interminable attente débute. Les autres réfugiés cambodgiens vont-ils devoir partir, eux aussi ? Et quand les gens enfermés dans l'ambassade pourront-ils enfin quitter ce pays engagé sur la voie du cauchemar? I learned the truth at 17. Their love was meant for beauty queens. In high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems, it's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember, shores of quality and dubious integrity, the small town eyes will gape at you in dull surprise when payment due exceeds accounts received at 17. Avril 1975, 6 jours après la chute de Phnom Penh, l'attente se poursuit à l'intérieur de l'ambassade. Devant le bâtiment, c'est le père François Ponchot qui est en faction Porte-Taille quand un chef khmer lui annonce qu'une poignée de Français ont été emportés par erreur dans le cortège vers le nord. Les Khmers rouges autorisent une sortie pour aller les chercher. Avec quelques personnes, le père Ponchot sort donc de l'ambassade et découvre la ville complètement vide. À Russeco, d'habitude, on n'arrive pas à s'entendre tant la foule est dense et compacte. Il n'y a plus un bruit, plus un habitant. La rue est juste parsemée de détritus et de billets de l'ancienne banque centrale détruite. Sur la route, ils observent, stupéfaits, les colonnes d'habitants retardataires, puis découvrent la marée humaine à perte de vue, celle qui a quitté la ville le 17 avril. Ils sont des centaines de milliers sur la route ou dans les fossés à attendre, à marcher. Dans cette foule, certains reconnaissent des anciens amis. Le visage fermé, le regard empli de questions et de craintes. Ils ne peuvent rien faire pour eux, rien dire. Alors, ils récupèrent les Français, puis font demi-tour, direction Phnom Penh, la peur au ventre. Car ils le savent, après le départ des hauts dignitaires, c'est la foule des inconnus cambodgiens encore dans l'ambassade que les soldats communistes vont réclamer. C'est chose faite quelques jours plus tard. Tous les cambodgiens sont invités à rejoindre le reste de la marche. Pour les foyers mixtes, la règle adoptée est que l'épouse khmer peut rester, l'homme khmer marié à une Française, lui, doit partir. Alors, que faire pour eux? Seul un passeport français peut les sauver. Mais peut-on donner l'asile à tous? De façon pratique et diplomatique, la chose est impossible. Alors, certains passeront outre ces questions et agiront pour une connaissance, pour une amie, en se mariant avec elle. Pour les hommes cambodgiens, la fuite est la seule solution. C'est ainsi que Pusera Ing, dit Sera, voit pour la dernière fois son père, comme il le raconte dans le documentaire intitulé 17 avril 1975, Les Khmers Rouges ont vidé Phnom Penh, de Philippe Touranchot. Ça se met à hurler tout d'un coup dans tous les sens. Et là, on comprend que les Khmers, tous les Khmers vont être obligés, parce que c'était la grande question, est-ce qu'ils allaient pouvoir rester ou non. Donc là, on comprend que. C'est plus possible. Et donc mon père, il était très calme. Il nous a pris, mon grand frère, moi et ma petite sœur, à part les uns après les autres. Il nous a fait ses adieux en nous recommandant de bien faire attention à notre mère. Et il est parti avec tranquillement et on l'a regardé partir ici. On ne pouvait pas aller plus loin. Et tu le reverras jamais. Non. L'ambassade était pour eux un refuge, elle est devenue piège. Le 27 avril, 10 jours après l'arrivée des Khmers Rouges, 3 émissaires Khmers annoncent le départ futur des étrangers de l'ambassade vers la Thaïlande. À la surprise générale, c'est par camion et par la route qu'ils décident de les rapatrier dans 2 convois, l'un le 30 avril, l'autre à partir du 6 mai. Dans l'esprit de tous, c'est l'incompréhension et c'est l'inquiétude. Pourquoi choisir ce transport alors que le vice-consul propose depuis des jours l'envoi d'avions venus de France ? S'agit-il d'une ruse ? Finalement, les autorités françaises acceptent les conditions des Khmers. Ce sont les femmes et les enfants accompagnés de quelques hommes qui quittent les premiers Phnom Penh. Nous sommes alors le 30 avril. La piste, j'ai l'impression qu'ils ne la connaissaient pas très bien, cette nouvelle piste, si bien que certains camions en ont fait 150, d'autres en ont fait 90. On a eu l'impression, même à un certain moment, de faire demi-tour, de revenir. On est repassé deux fois de suite devant le même endroit. Ensuite, on a vu qu'il y avait des talkie-walkie devant et derrière. Si bien qu'on a pris une rizière avec les femmes enceintes et tout ça dans notre camion. Il y avait une femme enceinte de plus de 6 mois, puis 8 enfants. Et on a fait 5 km de rizière. Alors, je ne sais pas si vous voyez les diguettes tous les 50 mètres, mais c'est assez horrible dans un camion. S'il n'y avait pas eu cette pluie tous les soirs, l'orage tous les soirs, la piste aurait été à peu près bonne. Bien sûr, si le camion avait été bâché, il n'y aurait pas eu le problème de soleil, problème d'insolation pour le bébé qui est mort et les choses comme ceci. Le Toubib l'a dit, il est mort de déshydratation. Je ne sais pas, je suppose que quand le gosse est mort, ça les a marqués. C'est à partir de ce jour-là qu'ils ont essayé à... Comment s'appelle le village ? À Pursat, oui. C'est-à-dire le troisième jour, nous avons changé de convoi. Ils ont mis des autocars. Alors nous avons mis les femmes et les enfants dans les autocars. Et nous avons mis les bagages et les hommes dans les camions. Le trajet dure 4 jours sous la pluie et le soleil avec très peu de nourriture et d'eau. Des conditions terribles qui provoquent en effet la mort d'un jeune enfant. Malgré tout, arrivé à la frontière thaïlandaise, c'est le soulagement. Devant les journalistes qui les attendent, les réfugiés pèsent chacun de leurs mots, refusent de répondre à certaines questions. C'est à l'arrivée du second convoi que la parole se libère. Il arrive quelques jours plus tard. Le 8 mai 1975, il n'y a plus un Français au Cambodge. Désormais, ils sont de l'autre côté du pont de Poy Phet, de l'autre côté de l'enfer. De part et d'autre, deux mondes s'opposent. D'un côté, celui du silence et d'un huis clos où la mort est partout. De l'autre, celui des questions et de l'attente. C'est ici que les jours, mois et années qui suivent débarquent de temps en temps le fantôme de personnes que l'on pensait à jamais perdues. À travers leurs mots, l'incroyable machine à détruire des Khmers se dessine. Le soir même du 3 juillet, ma femme, mes 5 enfants, en bas âge, et ma nièce étaient déjà assassinés. C'était à coups de fusil. Et les deux garçons, les deux petits garçons, c'était à coups de coupe-coupe. Ma femme était évanouie avant d'être tuée. Ils avaient violé ma nièce, qui les insultait jusqu'au dernier souffle. Ma femme, à ce moment-là, avait déjà 44 ans. Et ma nièce avait 20 ans. Et le plus âgé de mes enfants qui ont été assassinés avait 13 ans. Et le plus jeune, c'était un garçon, il avait 2 ans et demi. Ils ont tué un enfant de 2 ans et demi. Oui, oui. Pour ceux qui ont pris la route aux mains des Khmers Rouges, la suite est un long voyage vers les terres arides et vierges où tout est à faire. Là-bas, ils connaissent la faim, ils connaissent la mort. J'ai vu des personnes qui ont été tuées par les Khmers Rouges. Une jeune fille âgée, à peu près 16 ans, elle est orpheline. Elle a souffert de la famine. Elle n'a pas de quoi pour se nourrir. Elle a volé des pommes de terre. Le chef de village l'a arrêté. Puis ses deux mains et ses deux jambes liées et plongé dans l'eau. Plongé la tête dans l'eau, puis levé, encore plongé, levé au bout après à peu près 3 heures. Elle meurt. Après un long cauchemar qui aura duré presque 4 ans, le 7 janvier 1979, les portes de l'enfer Khmer s'ouvrent. les Vietnamiens entrent dans l'ancienne capitale. Ils y découvrent une ville morte. Dans ces maisons vides, abandonnées du jour au lendemain, il n'y a plus trace d'anciens locataires. Dans certaines maisons, ils découvrent des corps sans vie. Que s'est-il passé à Phnom Penh et dans les campagnes du Kampuchea démocratique pendant près de 4 ans? Quel était le quotidien des Cambodgiens? Aujourd'hui, à Phnom Penh, l'ambassade française a rouvert ses portes, tout comme l'hôpital Calmette. Certains des Français qui ont dû quitter précipitamment la ville en 1975 y sont retournés, y sont toujours. Comme chaque Cambodgien, ils vivent désormais avec le souvenir de cette journée du 17 avril 1975, quand Phnom Penh a été vidé en un jour. 41 ans après cette tragédie, beaucoup de questions demeurent sur l'arrivée des Khmers Rouges dans la capitale. En France, une enquête a été ouverte après la plainte déposée par la femme de l'ancien président de l'Assemblée nationale cambodgienne. Le vice-consul lui aussi a été entendu. Les télégrammes diplomatiques ont été étudiés. L'affaire s'est conclue par un non-lieu. Au Cambodge, ce sont les anciens hauts dignitaires du régime Khmer Rouge qui sont désormais devant les juges et qui racontent l'enfer du côté des bourreaux au nom des disparus de l'ambassade française et des 1 700 000 Cambodgiens qui sont morts sous le régime du sinistre Pol Pot. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Cambodge et les Khmers Rouges, la chute de Phnom Penh. Je rappelle que nous allons consacrer 2 émissions à ce moment d'histoire, cette tragédie. Bonjour Patrice Daubert. Bonjour. Vous êtes notre invité, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. D'accord, voilà. Pas de problème. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste, ancien correspondant en Asie du Sud-Est pour le journal Le Monde. Et en 1975, vous étiez un jeune reporter de 33 ans. Avant de revenir sur cette journée du 17 avril, sur les semaines qui ont suivi, moi, je voudrais qu'on revienne quelques mois avant cette chute, au début de l'année 75. Quelle est la situation au Cambodge? Quels sont les rapports de force? Les rapports de force sont clairs. Les Khmers Rouges sont tout près de Phnom Penh. Ils coupent pratiquement toutes les routes. Ils contrôlent pratiquement tout le terrain. Et Phnom Penh ne survit que grâce au bombardement américain des B-52, c'est-à-dire 30 tonnes de bombes par avion. C'est énorme. Et grâce au pont aérien qui, chaque jour, amène des dizaines d'avions, de riz et puis d'armes et de munitions. Mais très vite, avec le temps, dès le début du printemps, on entend les combats du centre-ville. Et dans les dernières semaines, les Khmers rouges sont de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire imaginez qu'ils soient de l'autre côté de la Seine. Ouais. Ou qu'ils soient dans la banlieue parisienne. Et de là, ils tirent, comme l'ont dit certains de vos témoins, on entend la roquette qui part, on ne sait pas où elle va arriver. Et c'était tout à fait surréaliste. Comme correspondant de guerre, on prenait un taxi et en 20 minutes, on était sur le front. Qui était là, aux portes. Aux portes, oui. Bon, ils avaient des gens en ville, c'est évident, mais ils étaient aux portes, ils encerclaient. Le principal effort des Américains, c'était d'empêcher la chute de l'aéroport pour que les soldats et la population civile puissent se ravitailler. Le fleuve était coupé, les autres routes étaient coupées. Et à ce moment-là, la population de Phnom Penh ne sait pas exactement qui sont les Khmers rouges, puisqu'on le dit dans le récit, je crois, il y a, peut-être que vous allez le confirmer, comme un sentiment de libération, finalement. Personne ne sait qui sont les Khmers rouges. Pour la population cambodgienne, qui après 5 ans de guerre ne rêve qu'à la paix, comme pour les gens qui, à l'extérieur, ont des contacts avec les représentants des Khmers rouges, qui avait leur bureau juste à côté de la maison de la radio, dans le 16e à Paris, ancien des grandes écoles ou polytechniques, etc., et qui racontait un pays qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'on ne les laissait pas rentrer, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont été tués quand ils sont rentrés, et d'autres ont eu un sort à peine moins enviable. Alors, on arrive au cœur d'une question importante, mais qui sont ces Khmers rouges? Bon, des psychopathes, c'est clair, mais ils sont... Porté par quelle haine, quelle vengeance, contre qui? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même à grande échelle. Oui, au début, les Khmers rouges, c'est rien. En 1970, les Khmers rouges sont quelques milliers de personnes qui font quelques attentats par-ci, par-là, quelques embuscades dans les montagnes. Ils n'ont aucune force militaire, ils ne menacent rien. Ce sont des extrémistes, comme vous l'avez dit. Et puis, la chute du gouvernement Sihanouk, l'intervention directe des Américains dans la guerre, vont leur donner une légitimité, une justification. Ils sont soutenus par les Chinois, on est en pleine révolution culturelle, même si les Chinois, qui étaient pourtant extrêmement extrêmes, si on peut dire, dans leur traitement de leur population, trouvaient que eux-mêmes, et certains me l'ont dit, que les Khmers rouges étaient complètement fous. Mais le début de la guerre va donner, dès 70, une légitimité aux Khmers rouges, légitimité nationale. Ils luttent contre l'invasion des soldats vietnamiens et des Américains, et une légitimité internationale, puisqu'ils sont reconnus par la Chine, et qu'ils acceptent de prendre comme chef d'État le prince Sihanouk. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont pouvoir se développer, puisqu'ils représentent la légitimité, ils se présentent dans les campagnes comme les défenseurs du prince Sihanouk, le prince papa, comme l'appelaient les Cambodgiens, qui était aimé de pratiquement tout le monde dans les campagnes. Donc ils ont profité, ils sont montés à cheval sur cette... sur cette vague-là. Oui, ouais. Sinon c'était rien. Leur idéologie, elle est communiste, hein, officiellement... Maoïste. Mais extrême, mais jusqu'à la folie. Enfin, ces gens, leurs chefs sont des intellectuels, oui. Tout de même. Des intellectuels oui. Fous qui ne comprennent pas que la voie dans laquelle ils s'engagent, c'est l'impasse, quoi. Enfin, c'est la folie, ils ne comprennent pas. Ils vivent dans un rêve, dans un rêve de reconstruire une société meilleure. C'est pas vraiment ce qu'ils vont faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et sans aucun contact avec le monde extérieur, sans aucun sens des réalités. Ils veulent que le Cambodge redevienne la grande puissance qu'il était 5 ou 600 ans auparavant. Sans même savoir comment vit un paysan, puisque c'était des citadins, et en inventant une nouvelle société qui rendrait presque sympathique la révolution culturelle. Ouais. Avec, c'est clair, l'objectif de détruire toute une partie de la population qui avait le pouvoir. C'est quoi? C'est des gens qui sont mus par de la vengeance? C'est un sentiment aussi bas que la vengeance? Ils ont joué sur la vengeance, mais... La vengeance pour ces dirigeants, ça ne se justifie pas, parce qu'ils viennent de ce peuple ancien qu'ils vont vouloir massacrer eux-mêmes. Ouais. C'est une idéologie folle, mais ils jouent sur la coupure entre ville et campagne, entre les citadins qui ont une vie relativement convenable et les paysans qui crevaient souvent la faim, qui vivaient d'une façon misérable. Et ils ont incité ces paysans à se soulever, ils ont poussé à se soulever contre ces villes qui représentaient le capitalisme, la bourgeoisie, la corruption, les Américains, l'étranger... Une certaine forme d'écrasement d'une partie de la population par l'autre, en gros. Alors, on a passé un peu de temps sur les Khmers Rouges, leur portrait psychologique, parce que ça dépasse l'entendement, et il fallait le faire. Surtout quand on les voyait à l'étranger, ils n'étaient pas comme ça. Leur ministre des Affaires étrangères, qui passait, dont on a su que c'était un des plus sanguinaires, moi je l'ai rencontré pas mal de fois, c'était un espèce de gros bonhomme qui se goinfrait de choux à la crème et de religieuses au chocolat. Et finalement, derrière ce sourire khmer, comme on pourrait dire, se cachait un meurtrier. Un monstre ordinaire. Un monstre, oui. Alors, vous rejoignez l'ambassade. Donc, vous êtes à Phnom Penh quand les Khmers Rouges arrivent. Alors, on imagine le sentiment faux d'une libération. Après, j'imagine de l'étonnement, une forme de stupéfaction, et puis d'horreur et de peur. Alors, les gens se réfugient, donc, dans l'ambassade, qui devient l'épicentre d'une espèce de résistance, en tout cas, un endroit pour pouvoir se réfugier. Vous y êtes. Quels sont vos souvenirs de ces moments-là? Moi, je suis rentré à l'ambassade de France une semaine avant tout le monde, parce que j'étais menacé de mort par les extrémistes du régime Lonol. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que vous aviez commis? Le Monde avait publié un article sur le frère du président, le traitant d'assassin, de corrompu. Et ils ne pouvaient pas se venger contre le monde, ils se sont vengés contre moi. Donc je me suis réfugié par prudence à l'intérieur de l'ambassade, ce qui ne m'empêchait pas de sortir pour travailler. Et donc les derniers jours, si vous les avez racontés aussi bien que moi, puis le 17 avril, comme vous l'avez dit, silence radio, personne, on n'entend plus rien. Donc je suis parti en voiture avec des collègues pour sortir de la ville, pour voir ce qui se passait. Et là, on a rencontré les premiers Khmers Rouges qui arrivaient à pied. Ouais. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de camion, ils arrivaient à pied. Ils m'ont confisqué ma voiture, je suis rentré à pied, comme eux. Ouais. Et à ce moment-là, comme vous l'avez dit aussi, les gens qui en avaient marre de la guerre et qui en avaient marre du régime précédent, les ont bien accueillis. Ça s'est bien passé pendant une demi-journée. Puis très rapidement, ils ont commencé à vider la ville, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, les anciens dirigeants s'étaient rendus compte de rien. J'ai passé une partie de la nuit du 16 au 17 avril avec le Premier ministre. J'ai dit, fichez le camp. Mais non, je vais rester avec mon peuple et on va toujours pouvoir discuter. Ouais. Vous confirmez, vous avez vu ces gamins, ces enfants soldats? Oui. Quel âge ils ont, ces enfants soldats, pour les plus jeunes? Il y en a qui devaient avoir 10 ans. 10 ans, 12 ans, mais c'était encore ça a été après encore plus caricatural, parce que selon des sources chinoises que j'ai eues après, quand les Chinois ont donné des avions et des chars aux Khmers Rouges pour se défendre contre les Vietnamiens, les Khmers Rouges leur envoyaient des gens purs, des gamins de 10 ans, qui étaient assis sur le siège de l'avion ou du char, qui ne savaient pas lire, dont les pieds n'arrivaient pas à toucher les pédales, et il fallait que les Chinois les forment en 15 jours. Alors, on va arriver au point polémique qui crée un peu le malaise quand même, même si la situation de la représentation française à l'ambassade était compliquée hein, par rapport à la situation. Que se passe-t-il avec cette fameuse liste et notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale? Il est poussé hors. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, sur cet épisode-là? Moi, je l'ai vu pousser dehors, c'est clair. Oui, je l'ai vu pousser dehors. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'un diplomate, même un vice-consul, parce que tous les diplomates de rang étaient partis, c'est un fonctionnaire et il doit obéir aux ordres. Et les ordres de Paris étaient apparemment très clairs. Il fallait, pour sauver les Français, les faire partir. Et faire partir les Cambodgiens, ouais. Dont le président de l'Assemblée nationale, qui avait une femme française. Ouais. Sa femme française est restée et elle a, comme vous l'avez dit, elle a porté plainte, mais ça n'aboutit à rien. Alors il y a eu ces faux mariages ou ces mariages, oui. Racontez-moi, vous étiez témoin de l'un d'eux, je crois. Oui, j'étais témoin d'un des deux mariages. On ne s'est pas préoccupé de savoir si les mariés avaient vécu maritalement, si certains étaient déjà mariés ou pas. J'étais témoin du mariage d'un confrère qui a eu pour objet, il y a eu deux mariages dont je me souviens, qui a eu pour objet de fournir un passeport français à la demoiselle, à charge pour elle de ne rien réclamer une fois qu'elle aurait passé la frontière. Et donc ces personnes, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues depuis, mais ça a été un moyen de sauver quelques vies. C'était les mariages blancs utiles. C'était les mariages blancs utiles, ça existe. Alors, de toute façon, l'ensemble des réfugiés cambodgiens qui ont dû quitter les lieux ensuite, effectivement, et on va écouter un extrait du documentaire radio intitulé « Huis clos à Phnom Penh » d'Alain Ljukovic, dans lequel le photographe Arnaud Borel raconte, lui, comment il a sauvé une cambodgienne de ses départs forcés. Et puis, un jour, les Cambodgiens sont tous partis. Arnaud Borel. Il est resté à l'intérieur de l'ambassade quelques Cambodgiens qui s'étaient cachés. Il y avait une jeune femme. Et un soir, en discutant, j'avais dit si je peux faire quelque chose. Et le lendemain matin, il m'a réveillé en me disant « tu te maries ». Donc je me suis retrouvé avec cette fille que lui connaissait. Il a fallu un peu insister auprès de l'ambassade. On avait déjà eu un ennui avec un photographe qui avait adopté une petite cambodgienne. Et la réponse de l'ambassade, ça avait été « les enfants, on n'en a rien à foutre ». Donc on avait fait une sorte de manifestation devant l'ambassade qui les avait fait plier. À la suite de quoi, quand je suis arrivé pour le mariage, on a remis un petit coup, mais le pli a été pris, donc nous nous sommes mariés. Elle a eu un passeport français et elle a pu sortir. C'est le consul de France qui nous a mariés. Donc on aurait peut-être pu distribuer un peu plus de passeports français. Ceci dit, c'était pas facile. On peut toujours dire après, c'était facile de distribuer des passeports. Vous distribuez pas à des Cambodgiens connus un passeport français, ça ne peut pas marcher. Et donc, comme vous pouvez pas distribuer 1600 passeports, vous les distribuez à qui ? Alors vous, Patrice Demers, qu'est-ce qui se passe-t-il pour vous après ? Comment vous sortez de ce guépier ? En camion, ouais. Comme vous l'avez raconté. En 4 jours, les Khmer Rouges sont arrivés. J'ai fait partie du premier convoi où on a mis les étrangers, les journalistes et les femmes et les enfants. Et on est monté sur des camions non bâchés, ou sur lesquels certains il y avait des bancs, c'était comme les camions de l'armée française. Et sur d'autres, on avait mis des fauteuils de salon ou des chaises alignées, et on était sur ces camions pendant des heures et des jours, sans pratiquement voir personne. C'est-à-dire sans voir personne. C'est-à-dire bon, le premier jour, après être passé par tout un tas de petites pistes, on comprenait pas pourquoi. Et en fait, c'était pour pas nous montrer les foules qui sortaient encore de Phnom Penh. Mm-hmm. On est arrivé dans un village qui avait l'air normal. Et on nous a donné à manger. Puis après, on est reparti toujours sur des pistes. Et la nuit, on nous a arrêtés pour dormir. On a dormi dans un tribunal. Chose bizarre, qui servait plus à rien. Qui, d'ailleurs, ils n'ont jamais plus servi, et où la pendule s'était arrêtée le matin du 17 avril. Et puis après, on a fait encore 2 jours et demi de camion, alternance, canicule, pluie, sans voir un chat, sans voir personne. C'est-à-dire un pays fantôme. Fantôme, mais on ne voyait pas de gens vivants, on ne voyait pas de gens morts non plus. Donc je pense que les 15 jours ont dû servir essentiellement à nettoyer un peu le long de la route, et en même temps à trouver un accord entre les différentes factions Khmer Rouge, parce qu'il fallait que les différentes factions soient d'accord entre elles pour que le camion puisse aller d'un endroit à un autre. Au milieu, on a changé de camion parce qu'on a changé de zone de contrôle. Vous parlez de différentes factions, c'est-à-dire à l'intérieur des Khmer Rouge. Parlez-moi, comment ils s'organisent, ces Khmer Rouge? On n'en sait rien, on n'en a jamais su grand-chose. On savait qu'il y avait des clans. On savait pas grand-chose, mais on a commencé à comprendre quand on a eu les informations plus tard sur tous ces massacres entre Khmer Rouge, parce qu'ils n'ont pas été plus tendres dans leur purge entre eux. On peut le voir dans les salles de torture là-bas. Ils se sont tellement entre-massacrés qu'à la fin, il n'y avait presque plus personne. Il ne restait plus que le haut. Et comment ils étaient avec vous pendant ce... On ne les a pas vus. Ils ne sont jamais rentrés, ils étaient dehors. Ils ont négocié avec ceux qui restaient de l'ambassade, dont le vice-consul d'Irak, mais nous, on ne les a pas vus. Pendant ces 4 années sous la domination des Khmer Rouges, beaucoup de Cambodgiens ont réussi tout de même, tant mieux pour eux, à s'enfuir et rejoindre la frontière thaïlandaise. Vous en avez rencontré. Qu'est-ce qu'ils disaient de la situation? C'était quoi leur état d'esprit, leur état de traumatisme? Qu'est-ce qu'ils disaient? L'état d'esprit, c'était, je dirais pas, de se sentir libéré, parce qu'une deuxième fois, ça veut plus rien dire, mais de pouvoir souffler dans un endroit où ils savaient qu'ils seraient peut-être tabassés ou volés par les policiers thaïlandais, mais qu'ils resteraient en vie, qu'il y avait une aide internationale, il y avait la Croix-Rouge, il y avait des ONG, et ils espéraient, comme les Boat People, pouvoir se réinstaller ailleurs, puisqu'ils savaient très bien que chez eux, ils ne pourraient pas venir. Donc certains étaient venus avec leur famille, d'autres avaient tout laissé derrière eux, parce qu'il fallait traverser la jungle et traverser la frontière à pied. C'était terrible, tous les témoignages sont concordes. On va écouter une dernière archive dans cette émission. En janvier 79, donc on le rappelle, hein, fin du cauchemar, Khmer Rouge, non, pas fin du cauchemar complet, mais en tout cas Khmer Rouge, une nouvelle armée entre dans la ville, c'est celle du Vietnam. On va écouter les souvenirs du journaliste communiste Alain Ruscio, correspondant à l'époque pour le journal L'Humanité à Hanoï. Alors il s'agit d'un extrait du documentaire de Philippe Tourancheau, déjà cité, intitulé 17 avril 1975, les Khmer Rouges ont vidé Phnom Penh, produit par Electric Production. J'arrive à Phnom Penh pour la première fois le 17 janvier 1979, c'est-à-dire une petite dizaine de jours après la chute de la ville. Et je serai donc le premier occidental à rentrer à Phnom Penh en janvier 1979. Je savais que j'arriverais dans un pays dévasté et une population traumatisée. Mais je n'imaginais pas que ça pouvait être à ce point. Tous les récits que j'entendais étaient des récits d'abomination. J'ai pratiquement jamais rencontré un citadin qui n'a pas eu dans sa famille un mort, soit de faim, soit de manque de médicaments, soit d'exécution sommaire. Avec le régime de Pol Pot, nous avons perdu trois enfants et mon mari était perdu aussi. Je ne sais pas, il était où. Moi, je suis à l'époque un journaliste qui travaille pour un journal communiste, et donc je suis un journaliste communiste. Et donc, évidemment, je ne peux pas ne pas être interpellé par ce qui a été fait au nom de cet idéal. Du passé, faisons table rase. Et ben, les Khmer Rouges ont fait table rase du passé, mais également de l'humanité, de l'humanité Khmer en l'occurrence. Et vous, Patrice Debert, quand êtes-vous retourné à Phnom Penh ? Je suis retourné à Phnom Penh en 1982. Oui. À une période curieuse où la première purge entre ex-Khmer Rouge qui s'était rallié aux Vietnamiens, la ville se repeuplait, j'ai pu aller en province pour voir une région qui était vraiment le cœur du Cambodge en dehors de Phnom Penh, à Kampong Cham. Et là, j'ai parlé avec les autorités et j'ai visité plusieurs charniers qui étaient beaucoup moins horribles que ceux de Phnom Penh, puisqu'on avait, les gens avaient été enterrés, qu'on voyait que des monticules. Mais c'était... on ne peut pas dire que le pays se reconstruisait, parce qu'on n'en était pas encore là, mais c'était un pays occupé, mais où on ne massacrait plus comme on avait massacré autrefois. Donc, pour toute proportion gardée, pour les Cambodgiens, c'était un quasi-paradis. Ah bah après le cauchemar, j'entends bien ce que vous dites, c'était presque un rêve. Qu'est-ce qu'ils disaient? Les traces psychologiques des survivants devaient être énormes, hein, surtout en 82, puisqu'on est trois ans après la fin du cauchemar. Comment ça se manifestait? Vous avez vu une population qui était comment? Parce qu'il y avait aussi une certaine forme de dignité, aussi. Il y a peut-être les deux, souffrance et dignité qui se mélangent. Oui, et en même temps, les Cambodgiens, bon, peu parlaient français, mais ils sont pas très disert, ils sont timides, ils sont modestes. Il faut vraiment les pousser pour qu'ils racontent leurs histoires. Et moi, j'avais l'impression, ça, je vous parle longtemps après, l'impression que j'ai, c'est de gens qui, pour un bon nom, avaient plus vraiment envie de parler puisqu'ils l'avaient déjà fait au cours des trois années précédentes et qui pensaient plus à se reconstruire, à retrouver un travail, à se réinsérer dans une nouvelle vie et dans un nouveau pays. Et ça peut se comprendre. Bien, merci infiniment, Patrice Debert, de votre témoignage. Alors, je rappelle que nous diffuserons le deuxième volet de cette histoire. Et là, nous entrerons pendant 4 ans dans ce qui s'est passé dans les campagnes, phénomène de déportation, de génocide. Hein, je crois qu'on peut employer le mot, bien sûr. Ce sera le 28 septembre. C'est mercredi, le 28 septembre, mercredi prochain. Merci encore, Patrice Debert. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chute de Phnom Penh prise par les Khmer Rouges en 1975. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le retour des archives de la franc-maçonnerie dérobée par les nazis et le demi-siècle d'énergie qu'il a fallu pour les retrouver.